Thank you. Sans discours, la rien de plus. Je le lui dirai. Il est tout pour que mon père. Je le lui dirai. Que l'Europe sera politesse. Je le lui dirai. Je dis tout ça, mais là sur ma parole. Je n'y comprends rien, mais là rien de rien. Et que le diable, ici de ma ta fiole. Si je connais cette personne. Eh bien, Et de tout mon cœur je m'empresse Je le dirai De lui rendre sa politesse Je le dirai, il a compris Pas bien, pas un moment Absolument, écoutant La souffrance intelligente Il a compris, pas bien, pas un moment Absolument, écoutant La souffrance intelligente Pas bien, je suis intelligent Okay.

Das Leben ein Pläsier, das Leben ein Pläsier.